بسم الله الرحمن الرحيم. سئل العلامة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى. الشيخ ابن حميد c'était un grand savant parmi les savants de المملكة العربية السعودية رحمة الله عليه, faisait partie de هيئة كبار العلماء الإفتاء à l'époque de Cheikh Abdel Aziz bin Baz رحمه الله. Et c'était un très grand savant à la Sunna. Et ils ont imprimé un livre de ses fatawas, et beaucoup de ses fatawas. Et parmi ses fatawas, Su'ila, ils lui ont posé la question, rahimahullah, هل يجوز للرجل أن ينام وهو جنب أفيدنا وجزاكم الله خيرا. Donc la question, est-ce que l'insan, l'homme ou la femme, ils peuvent dormir et ils sont en état de janab, sans se laver. قال رحمه الله لا بأس بذلك. Et il n'y a pas de mal. إلا أنه يستحب أن يتوضى وضوءه للصلاة. لكن هناك سنة pour celui qui veut l'appliquer, donc c'est permis de dormir même sans se laver. لكن هناك سنة c'est de faire l'eau d'eau. أي l'eau d'eau comme pour la صلاة. أي les petites ablutions. قال أن يتوضى وضوءه للصلاة. فقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب. Donc Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, as-sahabi al-jalil, il a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on peut dormir en état de janab et sans faire le ghusl? Qala na'am idha tawadda. Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit na'am si fait le wudu. Qala fal awla an yatawadda wudu'ahu lis-salah. Wal ulama, ils ont montré que c'était mustahab, que c'était recommandé. Ay idha tawadda, ay c'est mieux. Wa illa fa celui qui dort même s'il fait pas les ablutions, c'est permis. قال فالأولى أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام وهذا الوضوء سنة والله أعلم. Donc c'est une sunna de faire cet wudu et il y a une récompense pour celui qui le fait. Un tambih هنا أن quand il se lève cet wudu c'était spécifique à ce moment. Et le Nabi صلى الله عليه وسلم il nous a conseillé de faire le wudu avant de dormir. Ne pas comprendre que cet wudu tu peux faire salat avec là. L'insan, quand il se réveille, il est en état de janab. Donc, il doit faire le ghusl. Il doit faire le ghusl. Et ensuite, il fait salat al-fajr. Naam. Et un autre tambih, si l'insan, il a peur, ou il craint de ne pas se réveiller à l'heure, d'être en retard à cause de le ghusl, il le fait avant de dormir. Kadhalik, si l'insan, il craint le matin, c'est difficile à hiyanan à cause du froid, il a akhri. À la kulihal, l'insan, il choisit le plus simple pour lui. Wa illa, on répète. Celui qui dort en état de janaba, falashay alayhi. Il n'y a aucun mal. Wallahu ta'ala a'lam. Donc la référence, fatawa de Cheikh ibn Humayd, rahimahullah, la fatwa numéro 50. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihada. Et demain, incha'Allahu ta'ala, on continue nos durous à la même heure. Wa billahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.